Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sables Junior 2A de Robert Ladd. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 aux Sabres Junior 2A de Robertval. On va parler des Sabres de Robertval avec l'instructeur-chef Jason Lejeunesse. Salut Jason. Salut Danny. Jason, en fin de semaine, il n'y avait qu'un seul match. Oui, un seul match là, contre les Éperiers de Normandie samedi soir à Robertval. OK, puis c'était une défaite ce coup-là encore une fois? Oui, une défaite de 6-1. Le score n'indiquait pas l'allure du match. Là. Dans les lancers, ça a fini 33-32 pour nous. Okay. Mais c'est ça, en première période, après une période, on perdait 2-1, mais encore là, on a fait une erreur, là, il restait 50 secondes en première période, puis ça a donné quasiment 2-0 à l'autre équipe, donc ça a coupé les reins, là. C'était 1-1 à ce moment-là, donc ça a fait 2-1 normalement. Ça a peut-être coupé les jambes là, de nos joueurs. En deuxième période, on n'a pas vraiment mal joué. On a donné deux bonnes chances à marquer, là, un 2 contre 1 puis un 3 contre 2 à l'adversaire. Puis ils ont contribué les deux fois qu'ils ont eu des surnoms. Fait que, tu sais, ça a fait mal encore, là, deux autres buts, tandis que nous autres, on attaque, puis on score pas. Donc, c'est des petites choses, des petits ajustements, mais c'est pas grand-chose encore. Là. L'opportunité. Oui, c'est 6-1. Le cinquième but, c'est dans un filet désert, là, il restait 5 minutes à la game, puis on est allé le tout pour le tout, là, on a enlevé le gardien. Ouais. L'opportunisme. L'opportunisme, c'est important, hein? Ouais, en plein ça. Puis, tu sais, on l'avait pas ce soir-là. Tu sais, des matchs comme ça, faut pas venir à bout de ça. C'est pas grave. On va travailler encore plus fort le prochain match. C'est ça qu'il faut faire. OK. Donc, on va y aller maintenant avec deux autres matchs en fin de semaine? Ouais, Alma vendredi soir, puis Normandin encore, là. Samedi soir. Donc, ça va être encore deux très bons tests là, en fin de semaine. On est mieux d'être prêts là, pour ces deux duels-là. OK. Donc, es-tu content du début de saison de ton équipe quand même, jusqu'à maintenant? Je peux pas dire que je suis content. Non, après une victoire, 4 défaites là, en 5 matchs. On peut pas dire qu'on est content. Dans les 4 défaites, il y en a 3 là, que on aurait pu gagner. On est conscient qu'on aurait pu. On manque un peu d'opportunisme là, dans nos parties. Là. C'est le seul point, là, on manque de finition là, autour du filet. C'est le seul point là, qu'il faut travailler. Ça prend à scorer des buts, ça prend pas. Hein. C'est de l'instinct. C'est ça. On travaille sur des petits détails. T'sais, on donne pas beaucoup de buts. On peut pas dire qu'on donne beaucoup de buts. Là. À part le 6-1, là, c'est pas été des dégâts nos défaites. Donc, on était dans le coup là, jusqu'à la toute fin. Mais c'est ça, faut travailler. Là. Ouais. Je pense pas que c'est mauvais signe, là, mais c'est ça, faut être prêt à chaque match parce que tu sais, on peut s'enligner une série de victoires de 3-4 aussi. Ben oui. Cette ligue-là. Tout le monde peut battre tout le monde, là. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Je pense que c'est la beauté de la chose de la Ligue Junior de A depuis 2 ans. Là. C'est que si tu te présentes pas, ben tu vas perdre. Puis si tu te présentes, t'as des bonnes chances de gagner. Oui, effectivement. Donc, on va suivre évidemment ça de près. Donc, la semaine prochaine, on s'en parle, Jason. Il n'y a aucun problème. Parfait, Danny. Voilà l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Jason Lejeunesse.